voit que ça galère vraiment dur. On se brise le dos pour avoir de l'oseille. Malgré toute ma bonne volonté, je t'avoue que des fois, je suis vraiment débordé par la vie. Je me déplace en cortège, toujours précis comme Beckham au corner. Toujours serein malgré l'alcool dans mon cocktail. Ils gonflent le top, mais très peu ont la coque pleine. Deux, trois business direct, ils prennent la grosse tête. La vie m'a débordé jusque dans mes 16 mètres. J'ai taclé à la gorge, sinon j'étais dead, mec. Sans prise de risque, la défaite est certaine. Beaucoup d'entre nous vont être en chien devant l'éternel. Je me méfie des hommes, je m'en méfie comme la peste. Dès qu'ils peuvent vraiment te la mettre, je te jure qu'ils t'enculent sans la tête. Qui veut me faire croire que ce monde veut la paix? À force de voir les gens vraiment en chien, ta bonne volonté tu la perds. Quand la galère s'acharne vraiment, le climat n'est plus à la fête. Quand les obus s'écrasent, le ciel nous tombe sur la tête. Qui veut me faire croire que ce putain de monde est zen? Les ouvriers travaillent comme des acharnés, regarde un peu leur serre, débordés par le sexe, Boulogne à Vincennes. Beaucoup trop de racolage à l'arrière des Mercobenz. L'argent peut faire péter les plombs, n'oublie pas Kurt Cobain. Oh, tu te laisses déborder par les femmes, tu perds tout ton oseille. Faut jamais se laisser déborder par la vie. Mes soldats toujours en position de tir. Mon rap transpire la vie, la vraie vie. Frollo, ouvre tes yeux, affronte cette putain de vie en face. Faut jamais se laisser déborder par la vie. Mes soldats toujours en position de tir. Mon rap transpire la vie, la vraie vie. Frollo, ouvre tes yeux, affronte cette putain de vie en face. Hein. C'est l'instinct de survie qui prime. Me demande pas d'où sort l'argent du film, parce qu'il est juste pendu au bout de ta bite. La recette du sex business atteint des chiffres magiques. J'ai bien laissé quelques euros dans un Renault Trafic. La Colombie a créé les zombies, débordés par la 8. Vendre de la coke rapporte plus que les Antilles. La fortune se trouve dans tes narines. A chacun de tes rails de coke, monsieur Lopez met de la viande dans sa marmite. J'ai un cortège d'idées noires qui gravitent dans mon cortex. J'essaie de toujours rester debout malgré mon corps frêle. Les haineux disent que mon rap est faible. À part Al-Qaïda, dis-moi vraiment qui veut coucher la tour Eiffel. La colombe à force de se la jouer s'est fait plomber les ailes. Les billets tournent loin de ma poche et on veut que je reste zen. Qui veut me faire croire que ce putain de monde est pisse? Je suis peut-être noir mon frère, mais je suis loin d'être amnésique. Quand la nuit se couche, les regards deviennent louches. Le climat devient lourd, les chiens ont peur des loups. Les canons parlent et les balles sifflent. C'est là que tu reconnais les hommes et les ballerines. Depuis tout petit, je sais que la violence est gratuite. Faut jamais se laisser déborder par la vie. Mes soldats toujours en position de tir. Mon rap transpire la vie, la vraie vie. Frollo, ouvre tes yeux, affronte cette putain de vie en face. Faut jamais se laisser déborder par la vie. Mes soldats toujours en position de tir. Mon rap transpire la vie, la vraie vie. Frollo, ouvre tes yeux, affronte cette putain de vie en face. Laissez parler les biatches.